Voilà, on arrive au bout de cette émission d'aujourd'hui. Peut-être encore, avant de se quitter, vous annoncer le programme du jour qui a commencé par, par l'atelier Cornemuse qui a encore lieu actuellement dans la maison communale. Cet atelier Cornemuse animé par Emma Soares, Lise Barcas, Octave Courtin, Quentin Heisman, Julien Vadet et Clément Vercelletto, et qui donnera lieu à une forme de restitution à 18h ce soir dans une partie du bâtiment qui n'a pas encore été, il me semble, définitivement définie. Ensuite, il y a eu le partage d'écoute d'Alessandra Novaga que nous avons aussi eu à l'antenne en interview. Vous pourrez réécouter ce partage d'écoute en archive sur le Festival Archipel ou sur le site archive.org. La journée s'est continuée avec Ce qui reste du bruit, un concert dans la grande salle animé par Nicolas Roulive, Benjamin Guette et les élèves de musique électroacoustique et d'instruments à cordes du Conservatoire Populaire. Ensuite, toujours maintenant, il y a Ami et Madame qui vous propose un atelier de sérigraphie qui s'intitule Do It et qui se trouve en face de la cantine, qui s'intitule Une deuxième vie pour vos habits. Donc si vous avez un t-shirt, un leggings, un slip, un mouchoir ou quoi que ce soit qui puisse faire l'affaire en tissu et que vous avez envie de le pimper avec un dessin ou une création qu'on vous propose, et ben voilà, précipitez-vous, ça a lieu encore pour un petit moment en face de la cantine. Il y a aussi trois séries de concerts de Christina Kubitsch dans l'Acousmonium au Salon d'écoute. Une première série de programmes d'œuvres électroacoustiques va être donnée bientôt entre 18h, 17h et 18h. Et puis, elle sera suivie d'un autre concert, d'une autre série d'écoutes qui aura lieu un petit peu plus tard. Il me semble... Ah, je n'arrive pas à retrouver l'information sur le site. Parce que le programme est très dense, oui. Donc, en fin de soirée, de 22h30 à 1h, il y aura, ou peut-être un peu plus tôt, il y aura le programme d'œuvres électroacoustiques de Christina Kubitsch qui recouvre des œuvres qui ont été composées de 1981 à 2025. Donc voilà, il y aura une traversée nocturne avec entr'acte au Salon d'écoute. Vous pouvez prendre vos billets pour y assister. Avant cela, donc, dans la salle de jeu, un concert famille qui s'intitule Majuscule. Il y a vraiment des petits bugs. Donc un concert majuscule qui s'intitule Moineau, Tourte Bref et autres noms d'oiseaux. Un concert qui aura lieu de 17h30 à 18h15 et qui des élèves de flûte traversière du Conservatoire Populaire qui s'inspire du son, du chant, des bruits des oiseaux, aussi fascinant que diversifié. Et plus tard, il y aura donc la parade de Cornemuse annoncée à 18h. Ensuite, dans la grande salle, un concert de Naomi Pinnock, avec des œuvres de Naomi Pinnock et Giorgi Ligeti, interprétées par Ben Goldscheider, Callum Smart et Richard Utley. Donc, dans la grande salle, et ça. Ça a lieu de 19h à 20h. Et ensuite, toujours dans la grande salle, 1 plus 1, le duo formé de Angelo à la flûte à bec et Laurent Estopé au saxophone vont interpréter des œuvres de Philippe Glass, Eve Beglarian, John Gibson et Mary-Jane Leach. Et ils seront accompagnés par Francis Baudvin, un artiste visuel qui là les accompagne avec de la vidéo. C'est dans la grande salle de 21h à 22h. Et donc voilà, la soirée se termine par le concert Acousmonium de Christina Kubisch. Et demain matin, dimanche 26 avril, le dernier jour du Festival Artichipel, s'ouvre à 11h, de 11h à 11h45, avec un concert de percussion qui s'intitule Percussion Terrain de jeu, que je vous laisse découvrir, ainsi que le reste du programme sur le site du Festival Archipel. À noter, peut-être, pour faire un petit clin d'œil, un pouce levé à nos collègues du fanzine Mara Krastina et Guillaume Fuchs, qu'ils proposeront un partage d'écoute au salon d'écoute. Donc le dernier partage d'écoute du festival aura lieu de 12h30 à 13h30, co-animé par les deux animatrices du fanzine, donc de la partie visuelle du Festival Archipel, que vous pouvez retrouver dans le couloir à côté du studio radio. Enfin, tous les numéros sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les consulter ou en emporter un chez vous. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir pour aujourd'hui. Merci de votre présence, de votre écoute, et merci à toutes les personnes qui ont participé, artistes ou petits travailleurs de l'ombre de la radio. Et puis aussi, salutations à Emma et à Jeanne. Et à demain. Gros bisous. Ciao, ciao.